Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. 15e épisode. Moby Dick, le cachalot blanc traqué pendant de longs mois, a enfin été aperçu, poursuivi et combattu par Ahab et son équipage. À l'aube du deuxième jour de chasse, l'ardeur des hommes est à son paroxysme. Cette fois, c'est Moby Dick qui attaque le premier les trois baleinières. Il bataille avec fureur dans le fouillis des lignes des harpons plantées dans ses chairs. Les lobes de sa queue puissante font voler en éclats les pirogues de Stubb et de Flask. De son large front blanc, il envoie la baleinière d'Ahab tournoyer dans les airs, puis s'enfuit comme satisfait de la besogne accomplie. Les blessures sont peu graves mais nombreuses, les dégâts matériels importants. De la jambe d'ivoire d'Ahab, il ne reste qu'un moignon. Fedallah, le mystérieux compagnon du capitaine, manque à l'appel. Toute la nuit, les marins réparent les embarcations et aiguisent de nouvelles armes pour le combat du troisième jour. Le matin du troisième jour se leva clair et frais. Et une fois de plus, la vigie nocturne à la pomme du mât de misaine fut relevée par une foule de guetteurs de jour disséminés sur chaque mât et presque chaque espar. Mais le cachalot demeurait invisible. Le voyez-vous ? Nous sommes pourtant dans son sillage, il suffit de le suivre. Quel beau jour à nouveau ! Ce pourrait être l'aube de la création du monde. Il y aurait la matière à réflexion si Ahab avait le temps de penser. Mais jamais Ahab ne pense, il ne fait que sentir, sentir, toujours sentir. Penser est une bien grande audace. Dieu seul a ce droit et ce privilège. La pensée est, ou devrait être, une fraîcheur, une chose calme. Nos pauvres cœurs palpitent, nos cerveaux battent trop fort pour cela. Allons. Oh ! Là-haut ! Que voyez-vous ? Rien, monsieur ! Rien ! Rien, et midi approche. L'aurais-je dépassé ? Oui. J'ai pris de l'avance. C'est lui qui me chasse à présent et non le contraire. J'aurais dû m'en douter, imbécile. Les lignes, les harpons qu'il remorque. Oui, je l'ai dépassé la nuit dernière. Barre à virer ! Barre à virer ! Starbuck, barre à me hisser. Nous n'allons pas tarder à le rencontrer. Il gouverne contre le vent et file tout droit vers la mâchoire béante. Dieu nous garde. Mais je me sens déjà les os trempés à l'intérieur et cette humidité me moisit la chair. Je crains de désobéir à Dieu si j'obéis à mon capitaine. Une heure s'écoula. Enfin, Ahab aperçut à nouveau le souffle à quelques 3 points du côté du vent. Cette fois, la troisième, c'est front contre front que je te rencontre, Moby Dick. Il nage vite, je dois descendre. Il me reste un peu de temps pour embrasser une fois encore de ce perchoir tout l'horizon marin. Ah! Ce vieux, ce si vieux spectacle est si jeune pourtant d'une certaine manière. Il la même scène depuis que je l'ai découverte, enfant, des dunes de Nantucket. La même scène, la même pour Noé et pour moi. Mais allons. Adieu. Adieu, vieille pomme de mât. On mit les baleinières à la mer. Akab, debout à l'arrière de sa chaloupe qu'on s'apprêtait à descendre sur l'eau, fit signe à Starbuck. Capitaine. Pour la troisième fois, le vaisseau de mon âme lève l'ancre pour ce même voyage, Starbuck. Oui, capitaine. Telle est ta volonté. Il est des navires, Starbuck, qui ne reviennent jamais à leur port d'attache. C'est vrai, capitaine. Tristement vrai. Serre-moi la main, ami. Leurs mains se touchèrent. Leurs regards ne se détachaient plus l'un de l'autre. Les pleurs de Starbuck les avaient figés. Capitaine. Oh, mon capitaine, noble cœur. Non. Non, ne pars pas. Vois. Ces larmes sont celles d'un brave. Juge alors du supplice où je suis de te convaincre. Mettez à la mer! Parez! Tous! La baleinière se posa sur l'eau avec un choc et bondit en avant. Aussitôt, des hordes de requins, remontant des eaux sombres sous la quille, vinrent se jeter sur les pelles des avirons, les mordant méchamment chaque fois qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Cœur d'acier forgé. Tu peux donc repartir ainsi, hardiment, parmi les requins voraces le jour décisif. Le troisième. Décisif, oui. Car il est certain que dans une chasse ardente qui se déroule en 3 jours sans discontinuer, le premier jour est le matin, le deuxième le midi, et le troisième le soir, la fin de l'aventure. Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il ? Les choses de l'avenir flottent devant mes yeux comme des silhouettes vides, et tout le passé va s'estompant. Ma femme, mon fils, mon voyage touche-t-il à son terme? Secoue-toi, Starbuck. Chasse toutes ces pensées. Ouais, des vigies! Ne lâchez pas les pirogues un instant! Et suivez le cachalot! Oh! Là-haut! Chassez cet aigle! Regardez ses coups de bec! Il met l'étamine rouge du grand mât en lambeau! Ah! Il s'envole en emportant le pennon! Où que tu sois, vois-tu ce spectacle, Akab? Tremble! Tremble! Le cachalot a sondé. Akab, s'écartant de la route du navire, s'approche de ce point pour se trouver tout près de l'animal quand il émergera. L'onde alentour enfle lentement, forme de larges cercles et se soulève d'un coup avec un grondement souterrain. L'équipage ensorcelé retient son souffle. Une prodigieuse masse de marbre blanc surgit d'un bond oblique hors de l'eau, hérissée de lignes, de harpons, de lances qu'elle traîne. Et demeure suspendue un instant dans l'air aux couleurs d'arc-en-ciel, enveloppée d'un mince voile de brume. Puis retombe dans un fracas assourdissant. Et sous cet écrasement, les eaux rejaillissent à 30 pieds de hauteur avec des étincellements de fontaines. Sans laisser de répit aux hommes, rendu furieux par les fers qui lui fouaillent les chairs, le cachalot se jette sur les baleinières, comme possédé de toutes les légions d'anges déchus. De son fléau pesant et agile, il fait voler en tous sens les harpons et les lances des 2 lieutenants, défonce leur proue. Mais il semble épargner la baleinière d'Akab. Au moment où il fait demi-tour, un de ses flancs se montre tout entier. Akab jette un cri qui transperce l'air. Ligoté sur le dos du cachalot, prisonnier des innombrables tours des lignes dans lesquelles l'animal l'avait enroulé durant la nuit précédente, le corps à demi déchiqueté du Parsi parut au regard. Son vêtement noir était en loque. Ses yeux exorbités fixaient Akab. Berné. Dupé. Ainsi donc, Fedala, je te revois. Et tu me précèdes. Et ceci, ceci serait le corbillard que tu avais annoncé. Mais je veux prendre ta prophétie à la lettre. Où est le second corbillard ? Lieutenant ! Retournez au navire, réparez ces pirogues et revenez vite ! Où est le cachalot ? Il a sondé encore une fois ? Poisson maudit, il a repris sa course régulière sous le vent. Vois, Cab, il n'est pas trop tard pour renoncer, même en ce troisième jour. Moby Dick ne te cherche pas, c'est toi. Toi seul qui, dans ta folie, le cherche. La baleinière solitaire du capitaine déploya sa voile à la brise qui fraîchissait. Elle se trouva bientôt tout près du navire et Akab put distinguer le visage de Starbuck penché à la rambarde. Remarquant que le pennon avait disparu du grand mât, il ordonna à Tashtego, l'Indien installé à la pomme de mât, de descendre chercher un autre drapeau et de l'y clouer. Puis il reprit sa chasse, accompagné d'une nombreuse cohorte de requins qui mordaient, tailladaient, déchiquetaient les pelles des avirons. Était-il venu pour se régaler du cachalot ou d'Akab ? Sa pirogue longe maintenant le flanc du cachalot et Akab se trouve au milieu de la brume fumante que projette son évent. Le buste rejeté en arrière et les deux bras levés pour maintenir son équilibre, il lance son fer farouche et une malédiction plus farouche encore dans le corps du cachalot haï. L'acier et l'imprécation s'enfoncent dans les chairs comme aspirés par une fondrière. Sous la douleur, l'animal se tord, roule convulsivement son flanc contre l'avant du canot qu'il fait chavirer, sans pourtant l'endommager. Presque en même temps, par un acte de volonté puissamment rapide et efficace, l'animal s'élance comme une flèche à travers l'océan bouillonnant. Et la ligne qui l'attache à son poursuivant se rompt soudain avec un claquement de fouet dans l'espace. Le cachalot libéré fait demi-tour et, ce faisant, aperçoit... Est-ce possible ? On dirait que vient d'entrer dans le champ de sa vision latérale la coque noire du navire qui approche. Et comme s'il avait reconnu en lui la source de toutes ses persécutions, il charge le Pequod. Bondit contre la proue qui glisse vers lui en faisant claquer ses mâchoires parmi de rutilantes cascades d'écume. Le cachalot ! Le navire ! Le navire ! Le cachalot ! Je deviens aveugle, fait-il donc nuit ? Aux avirons ! Aux avirons ! Ah non, je vois le navire ! Plus vite, marin ! Plus vite ! Vous ne voulez donc pas sauver mon navire ? Pendant ce temps, Tashtego était remonté à la pomme du grand mât et y clouait un drapeau rouge vaste comme un plaid et qui l'enveloppait à demi. Starbuck et Stubb, qui se tenaient en dessous de lui sur le beaupré, virent en même temps le monstre arriver sur eux. « Le cachalot ! Barre droit dessus ! Droit dessus ! Ô vous tendre puissance de l'air, ne permettez pas que Starbuck, s'il doit mourir, meure en défaillant comme une femme. Barre droit dessus ! La mâchoire ! La mâchoire ! Ô Akab, vois ton œuvre ! Non, ils virent pour nous aborder. » Son front inapaisable s'élance vers un homme à qui le devoir ordonne de ne point fuir. Mon Dieu, soyez à mes côtés en cet instant. Venez, qui que vous soyez. Venez aider le pauvre Stubb, car Stubb, lui non plus, ne partira pas. J'aurais préféré une mort moins humide, moins salée. Des cerises. Oh, Flask! Que ne donnerais-je pour une cerise bien rouge avant que nous mourions ? Des cerises ? J'aimerais seulement être au pays où elles poussent. Oh, Stubb, j'espère que ma pauvre mère a déjà touché le salaire qui me revient. Sinon, elle attendra en vain ces quelques sous, car le voyage s'achève ici. « À l'avant du navire, les marins regardaient médusés le cachalot qui faisait osciller sa tête porteuse de destin. Dans tout son aspect se lisait le châtiment, une vengeance sans délai, une malignité sans fin. Le puissant contrefort blanc de son front heurta la proue par tribord. Les eaux s'engouffrèrent aussitôt par la brèche avec le fracas d'un torrent de montagne au fond d'un ravin. Le navire commença à s'enfoncer. Le navire. Le corbillard. Le second corbillard. Son bois ne pouvait être qu'américain. La prophétie. Oh, mon navire inconquis. Faut-il que tu périsses maintenant, navire, et sans moi ? Serais-je donc frustré de l'ultime fierté du plus misérable des capitaines à l'instant du naufrage ? Mort solitaire, pour une vie solitaire. Venez, ô les intrépides de ma vie passée. Venez de vos plus lointains rivages, venez vous déverser et grossir la formidable vague de ma mort. Vers toi je roule, cachalot exterminateur, mais non point victorieux. Jusqu'au dernier moment, du cœur de l'enfer, je te frapperai. Au nom de la haine, je te crache mon dernier souffle. Vois comme je dépose les armes. Le harpon fut lancé. Le cachalot touché bondit en avant. Avec la rapidité d'une flamme, la ligne se dévida dans la rainure de la pirogue et se coinça. Akab se pencha pour la dégager, la libéra, mais une boucle en plein vol s'enroula et se resserra autour de son cou. Et sans un mot, comme les serviteurs muets du sultan étranglent leurs victimes, il fut emporté hors de la baleinière avant que l'équipage ait eu le temps de remarquer qu'il n'était plus là. Le navire. Le navire. Grand Dieu. Grand Dieu. Où est le navire ? Le navire. Ah, ce n'était plus qu'un long fantôme. Seuls les mâts supérieurs étaient encore hors de l'eau. Tout autour, un formidable maelstrom s'était formé et emportait tout. Marins, avirons, lances et ce qui restait de la pirogue d'Akab. Avant l'engloutissement, on put encore voir le bras de Tashtego et le pennon d'étamine à l'extrémité de la dernière flèche du navire. Comme l'Indien, déjà englouti, donnait son dernier coup de marteau, il cloua au mât l'aile frémissante d'un aigle de mer qui avait piqué des hauteurs sur le pennon. Prisonnier des plis du drapeau, l'oiseau céleste au bec impérial sombra avec le navire. Quand tout se fut effondré, de petits oiseaux criards voletaient au-dessus du gouffre béant. Et l'immense linceul de l'océan continua de rouler comme il roulait au jour du déluge, il y a 5000 ans. Arrêt du navire ! Avez-vous vu le cachalot blanc ? Le drame est achevé. Le Pequod et son équipage furent engloutis, mais quelqu'un survécut au naufrage. Il se trouve qu'après la disparition de Fedallah, les parques me désignèrent, moi, Ismaël, pour prendre place dans la baleinière d'Akab. Le dernier jour, lorsque les autres hommes furent projetés hors de la pirogue, je fus abandonné à l'arrière. Je demeurai un moment sur le bord extérieur de la Seine, puis fus lentement attiré vers le tourbillon qui avait aspiré le navire. Je tournais, m'approchant toujours plus du centre de cette roue liquide que marquait une bulle noire. Quand la bulle éclata, le cercueil boué de Kikeg jaillit verticalement à la surface, se renversa et resta à mes côtés. Je flottais dans le cercueil pendant un jour et une nuit, bercé par le chant funèbre des flots. Les requins inoffensifs glissaient de ci de là les mâchoires comme muselées. Les féroces aigles de mer planaient le bec au fourreau. Le second jour, une voile parut, s'approcha et me recueillit. C'était la Rachel à la course errante. Elle avait rebroussé chemin pour continuer à chercher son enfant perdu. Elle ne trouva qu'un autre orphelin. «